Chères auditrices, chers auditeurs, les émissions et les podcasts originaux des chaînes de Radio France, médias de service public, sont destinés à être écoutés par le plus grand nombre et à rester à votre disposition le plus longtemps possible, quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez. Sur cette plateforme, les podcasts France Culture sont disponibles pour un temps limité, quelques jours ou quelques semaines, en fonction du rythme de publication du programme. Radio France défend en effet la juste rémunération de tous ceux qui participent à la création audio, la qualité et l'indépendance de notre programmation. C'est pourquoi nous avons signé des partenariats avec les plateformes. Pour retrouver l'ensemble de vos émissions préférées et découvrir 10 ans d'archives, rendez-vous sur l'application Radio France. 1,5 million d'épisodes vous attendent. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité.